une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire de ce week-end, nous étions à Marseille. C'est l'histoire de Dominique Reiche, professeur dans un lycée professionnel du quartier de la Castellane. C'est l'histoire d'un professeur très proche de ses élèves. De lui, les élèves disent « Monsieur Reiche, c'est pas un prof comme les autres, il essaie de nous maintenir dans le bon chemin ». C'est un passionné, confronté à une réalité de terrain, avec des élèves primo-arrivants. Il lui faut être à la fois professeur, assistant social, éducateur, parfois père. Voici le second épisode, où vous allez voir que l'équilibre entre ces différents rôles n'est pas toujours simple à trouver. Nous repartons au cœur des quartiers nord de Marseille, avec Lénora Krief, Christine Diger et Diffy Mariani. Bonjour monsieur, entrez. Je suis arrivé à Marseille le 9 février 2015. Hein. Tu viens du Mali. Ça ressemblait à ici l'école? Non, pas tellement. Non, c'est un peu différent, c'est très différent. Ici, ils ont tous l'ordinateur, mais là-bas, on écrit sur les tableaux, dans la craie blanche. Encore aussi, la cantine aussi, là, non? Il n'y a pas de cantine au Mali? Là où, dans notre zone, il n'y a pas de cantine. Vous êtes à Marseille depuis combien de temps? Moi, depuis que je suis à Marseille, ça fait 9 mois comme ça, ça va venir un an. Mais tu parles bien français quand même. Quand même, merci. Je parlais français depuis en Guinée parce que c'est France qui a colonisé la Guinée quand même. Et vous, vous parliez déjà français? Moi, je parle français déjà. Toi, tu viens d'où? J'ai pas de pays, moi. J'ai pas de pays. Je suis un peu espagnol, genre Espagne, quoi. Mon lycée, c'est la vie, prof du monde entier. Un documentaire de Lénora Krief, réalisé par Christine Diger. Du Mali et d'ailleurs, de toutes les histoires et de tous les territoires, certains ont traversé la mer, à la dérive, voulant juste réaliser ce pourquoi ils sont nés, vivre. Et pour vivre aujourd'hui, il faut apprendre. Apprendre à parler, à écrire, pour se faire comprendre, pour trouver un travail. Dominique Reiche, prof de lettres et d'histoire depuis 25 ans dans un lycée professionnel des quartiers nord de Marseille, est face à ses nouveaux élèves, les primo-arrivants. Des jeunes, entre 16 et 20 ans, dont on ne sait pas précisément l'âge et dont le passé reste tu. S'adapter à eux, garder la bonne distance, Dominique Reiche raconte ses rencontres et son expérience dans son dernier ouvrage intitulé « Le monde entier dans ma classe ». L'enseignant cherche, innove, se découvre et les jeunes aussi. C'était un événement très important et il était tellement important que ça concernait la planète entière. C'est quoi la planète ? Ça, c'est la planète, c'est du monde. C'est tout le monde ? Oui, le monde entier. Le monde entier. Un élève primo-arrivant, c'est un élève qui arrive pour la première fois dans un pays et qui ne possède pas la langue ni les références culturelles nécessaires à la bonne compréhension des cours. D'accord, ça c'est la définition officielle. Assez juste, mais elle mérite d'être complétée. Un élève primo-arrivant, c'est un regard perdu de chien battu qui s'accroche à vous comme à une bouée de sauvetage. Bonjour monsieur. Un primo-arrivant, c'est un nouvel élève qui passe la porte de votre salle de classe et se demande à quelle sauce il va être mangé. Il sait dire « bonjour monsieur », mais guère plus. Il est terriblement anxieux. Il ne sait pas si vous êtes au courant qu'il ne parle pas français. Et comme il vient de dire les deux mots qu'il connaît, il se dit que vous allez imaginer qu'il parle votre langue et cela ne fait qu'augmenter son angoisse. Il se demande quand vous allez découvrir la vérité et si vous allez le punir de ne pas savoir répondre aux questions qui vont lui être posées sur le cours qu'il aura été incapable de prendre. La plupart du temps, au début, il détourne le regard de peur de vous embarrasser et rentre dans sa coquille en priant pour ne pas être interrogé. Un primo-arrivant, c'est un élève qui a honte de ne pas comprendre ce que vous lui dites et qui, par gêne, refuse de s'agripper à la bouée que vous lui tendez. Oui, c'est en français. C'est mets ton classeur correctement, comme ça on va mieux travailler. Écoute bien, le premier mot qui nous manque ici, je vous donne la définition et vous essayez de trouver le mot qui correspond à cette définition. Et après on l'écrit. Okay. Alors, par exemple, cette définition, c'est un ensemble de feuilles imprimées qui sont réunies en un volume. C'est quoi ? L'ensemble de feuilles. De feuilles comme ça, qui sont réunies. Mm-hmm. C'est quoi ? Comment s'appelle cet objet ? Livre. Dictionnaire. Alors, c'est un dictionnaire, bien sûr. Mais c'est un livre. Donc, première chose, vous allez me recopier cette phrase et vous allez écrire ceci. Un Mélenchon raconte dans ce... Là, il manque un mot. D'accord ? Son... Depuis 4 ou 5 ans, c'est ce que vous voyez aux 20h, hein, les bateaux qui arrivent, les boat people, ben on retrouve ces gamins dans nos classes. Alors effectivement, il y a de plus en plus. On fait même maintenant des classes de primo-arrivants pour essayer d'avoir des classes homogènes et de fonctionner normalement. Parce que c'est vrai que la difficulté, même si on ne prépare entre guillemets qu'un CAP, il y a quand même des cours précis. Et si on met au milieu d'un cours 2 ou 3 élèves primo-arrivants, c'est sûr qu'ils vont être perdus et ils risquent même de perturber la classe parce que quand on est perdu, ben on fait un peu le guignol. Donc on a fait quand même des groupes de primo-arrivants pour essayer de les faire évoluer tous en même temps et à leur niveau. Allez, on y va. Oui, tu vois, là où j'ai mis entre parenthèses, c'est parce qu'il manque un mot. Donc tu fais les parenthèses et tu fais un petit espace comme moi. Hein, voilà. Donc le premier mot, vous n'êtes pas obligé de l'écrire en rouge comme moi, hein, c'est juste pour vous faire marquer celui qu'on a trouvé. Et après, on va chercher le deuxième, qui est juste à côté. Dans ces quartiers où les situations familiales et juridiques des élèves sont parfois compliquées, pas toujours en règle avec les services d'immigration de l'État, il vaut mieux éviter de faire remplir des fiches d'identification, tout ce qui est trop administratif. Avec des élèves qui n'ont pas de papier en règle, pas de papier du tout parfois, hein, quand ils arrivent du bout du monde et qu'ils n'ont rien... Évidemment, ce n'est pas du tout une bonne idée d'identifier et de remplir des fiches d'identification. Moi, je les veux tout neufs, mais je ne veux pas forcément savoir ce qu'ils ont vécu comme situation administrative avant d'être ici. On se doute, on sait bien sûr qu'ils n'ont pas de papier, en tout cas pour les primo-arrivants. Ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas, bien sûr, mais il y a certaines pudeurs, on va dire, et puis on n'est pas là pour ça. Moi, je les prends tels qu'ils sont, j'enseigne, mais on ne creuse pas trop cette question-là. C'est aussi par respect aussi pour leur vie privée. Alors, il y a des choses qui ne nous regardent pas. Pour moi, un jeune, c'est un jeune, un élève, c'est un élève. Au niveau des âges, on n'est pas toujours sûr s'ils ont 16, 17 ou 20 ans. À la bonne mine, ça se voit un petit peu, mais c'est marqué nulle part. Vous étiez tous à l'école avant d'être à Marseille ? Non. Moi, quand même, oui, j'ai été à l'école. Bon, j'ai fait jusqu'à la deuxième année, notre maternelle, jusqu'à la deuxième année, parce qu'on n'avait pas le moyen, tu vois. Maintenant, je suis mon travail. J'ai commencé à faire l'apprentissage d'abord, comme le carrelage. Et l'Afrique avec ici, c'est pas la même chose, tu vois. Comme ils travaillent ici, c'est pas pareil. Par exemple, ici, là, le carreau qu'on a mis ici, là, c'est pas comme ça. Tu me montres le carrelage de la classe ? Oui, oui. Ouais. Mais c'est nous, c'est pas comme ça. Tu vois ? C'est pas aussi bien fait ? Non, c'est pas pour dire que c'est pas bien fait, ça, c'est pas ça. Et la façon qu'ils ont mis ici, là, c'est pas comme ça, non, mais. Il y a mis ici, là. Parce que nous, on travaille avec le carreau et 30 mètres carrés. Donc, effectivement, c'est différent. Oui, c'est différent, oui. Quand j'étais chez moi au Mali, je partais à l'école. Ensuite, dans les vacances ou encore dans les congés, des petits congés comme ça, il y a les touristes européens qui viennent chez nous là-bas. Souvent, je les accompagnais dans les petits villages. Moi, j'ai une une certaine pudeur à leur demander tu viens d'où, Pakistan, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, par où t'es passé, comment t'es venu en France. Ouais. C'est peut-être pour eux des mauvais souvenirs, forcément des mauvais souvenirs. Mais il faut avoir aussi une forme de sensibilité. Je n'ai pas peur de ma sensibilité pour ressentir un peu le besoin de ces jeunes-là. Je ne suis pas un grand géographe, mais j'imagine très bien leur parcours, un peu comme on fait dans les cartes des animations. Voilà, ils partent d'un point, avec des petits pointillés, pof, ils atterrissent dans votre bureau. C'est ça que je visualise, sans visualiser tout ce qu'ils ont pu subir. Parce que tout ce qu'ils ont pu subir, ça peut être la torture, la violence, le viol. Peut-être qu'ils ont failli mourir, ils ont été récupérés à la perche en Méditerranée. Ça, je n'ose pas leur poser la question. Après, une fois qu'ils sont sur le territoire français, dans mon esprit, là, je leur pose des questions, où ils étaient. La plupart, c'est dormaient dehors à la gare Saint-Charles. Ils sont récupérés par des associations de l'ADAP notamment, le réseau Éducation sans frontières, qui après les positionnent dans différents foyers, et c'est là qu'ils viennent chez nous. Est-ce que vous pensez que le système éducatif français est adapté à eux ? Moi, ce que je vois en ce moment, c'est qu'on est en train d'inventer nous-mêmes notre métier. Moi, quand j'ai une dizaine, une quinzaine de primo-arrivants, parfois qui ne parlent pas un mot de français, bah, je suis bien obligé d'inventer mon métier, d'inventer ma méthode. Comment je vais faire maintenant pour Personne ne m'a jamais appris, et je ne pense pas que ce soit même une réforme qui va pouvoir changer cet état de fait. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait de créer beaucoup plus de cours de FLE, de français, de langue étrangère, de multiplier ce genre de choses pour améliorer la situation. En tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu la grande débrouille. Alors justement, comment est-ce qu'on enseigne le français à un élève primo-arrivant qui parle à peine français ? Encore une fois, il a fallu inventer des choses. Moi, j'ai pensé, par exemple, au film muet, tout simplement. Au début d'année, on voyait les temps modernes de Charlie Chaplin. Ça permet de comprendre le film sans les paroles, bien sûr, parce que c'est un film muet. Et après, de discuter avec les élèves. Est-ce que vous connaissez Charlie Chaplin ? Et quand on voit le film, alors on commence par étudier par les petites phrases, pendant ce temps, ou alors trois ans plus tard, ou ce genre de choses. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont évidemment moins perdus. Et on peut parler, même, je dirais, par geste. Certains ne savent pas qui est Charlot. D'autres en ont entendu parler. Charlie Chaplin ? Charlot ? Vous connaissez Charlot ? Est-ce que quelqu'un connaît ? Je mime l'homme à la canne et au chapeau melon. Pas de réponse. Quelques-uns font non de la tête, d'autres ont l'air inquiets. Je range donc mes accessoires imaginaires et j'envoie le film plein écran. L'impact sur mes primo-arrivants est extraordinaire. Dans un pays en guerre, il se trouve qu'il est rare qu'on se fasse un ciné le mercredi avec papa-maman. On cherche à boire, on cherche à manger, on enterre ses morts. Le cinéma ? Dans le meilleur des cas, il ne reste rien du bâtiment. Dans le pire des cas, il n'y a jamais eu la moindre salle. Ici, entre mes quatre murs, la magie opère. En quelques bobines, avec quelques mimiques, sans qu'il ait besoin d'expliquer, de raconter, de parler pour ne rien dire, Charlot nous montre l'absurdité du monde. La belle, la franche, l'éternelle absurdité. Injustice, misère, peur, douleur, solitude, violence, emprisonnement, cruauté, faim, bêtise. Et tout au bout, exil forcé. Tout est là. Et tout est à pisser de rire avec Charlie Chaplin qui se retrouve à la rue. Une fois de plus à la rue. Seul, avec la faim au ventre. Et on pisse de rire. Sur nous-mêmes, sur notre malheur, sur notre incompréhension du monde, sur ce qu'on a vécu nous-mêmes en passant les frontières, en rampant sous les barbelés comme des animaux traqués, en traversant cette satanée mer à prix d'or sur des canaux de fortune surchargés. Soudain, Charlot tombe à l'eau en passant au travers du mur de planches qui forme la baraque minable qui lui tient lieu de maison. Et quand Charlot, incorrigible étourdi, tombe à l'eau, c'est explosif. On pisse de rire sur son malheur à lui, sur le malheur de tous. C'est tout ce qu'il nous reste, rire. Tout le reste a été abandonné, vendu, donné ou dérobé. Le I, il est après le A, forcément, parce que le A, c'est la première lettre. Là, tu as large, lapin, largage. On dit quoi? On cesse livre? Les mots. Tu vois, là, là, tu as le début du mot, L-I. Donc, après L-I, ils te font un V. V. Mais c'est moi, donc, j'ai le vu. Le V, c'est moi, après ou avant le M? Moi, j'ai vu livre. J'ai dit, j'ai trouvé. Ben voilà. Donc, c'était la page 476. Il a trouvé avant Dominique, je dis rien. Oui. Hein, mais il a trouvé avant Dominique. Oui. Mais apprendre à lire et à écrire à des élèves entre 16 et 20 ans, ça ne doit pas être aussi simple qu'avec des petits. Donc comment il se passe cet apprentissage, même de l'écriture? Ça, c'est encore quelque chose que j'ai découvert et puis que j'ai essayé de mettre en œuvre. J'ai mon éditrice qui m'a dernièrement envoyé des livres pour enfants, mais des enfants de 3 à 5 ans. Alors, quand j'ai reçu les livres, je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être être intéressant de travailler ça en classe. C'est l'histoire de la poule qui fait côte-côte et puis de l'âne qui fait yan. Des livres qui parlent. Certains élèves n'ont jamais vu ça. Alors moi, je me disais, peut-être il va y avoir une gêne, parce que c'est quand même marqué 3-5 ans, et puis hein, la poule qui fait côte-côte à des jeunes de 17-20 ans, quelle réaction va être la leur? Et finalement, c'était vraiment extraordinaire, parce que non seulement ils se sont pris au jeu, il n'y avait aucune gêne de leur part, j'ai même certains qui m'ont fait comprendre qu'ils le prendraient bien pour la maison ou au foyer où ils sont, pour donner soit au petit frère ou à la petite sœur. Bon, il y a eu une deuxième cargaison de livres, évidemment celui qui n'avait rien eu a été le premier servi, je lui ai glissé ça dans le sac, il est parti tout content, et puis j'étais bien heureux de mon affaire. Allez, quand vous avez trouvé celui-là, vous cherchez le deuxième. C'était le mot enfance. Ça commence par quelle lettre? E. Par un E. Alors, tu cherches la lettre E dans les pages. Exploit, c'est quoi ça? Ah oui, un exploit. Qu'est-ce que c'est un exploit? Exploit. Exploiteur ou bien exploit? Exploiter quelqu'un. C'est pas dans le sens exploiteur. Quand vous êtes au gymnase, vous jouez au basket ou au foot sur le stade, vous faites un exploit. C'est quoi un exploit? Exploit. Ah, plaisir. On va dire quel bel exploit. Ouais, il a. Ouais. Il est joli. Il est vite. Non. Alors, il a le talent. Il a du talent. Ouais, il a le... Exactement, il a beaucoup de talent. Oui. Quelqu'un qui fait un exploit, c'est le gros truc. Hein. Ça veut dire qu'il a marqué un but, je sais pas moi, du milieu du terrain. Bon, ça, c'est un exploit. Ouais. On est toujours un petit peu entre est-ce que je m'attache trop ou est-ce que je m'attache pas assez finalement, parce qu'on a envie de s'intéresser à certains élèves. On va prendre un cas particulier. J'ai un élève l'année dernière qui s'appelait Jalil et qui était pakistanais. Ce n'était pas possible de ne pas s'intéresser à lui. Je savais les galères qu'il avait eues dans sa vie. Je savais où il en était, les difficultés qu'il avait. Il se trouve qu'il s'est fait tout simplement contrôler dans une rue de Marseille. Il n'a pas de papier, il a eu pas mal de soucis avec la préfecture. Bon, voilà, la loi est ce qu'elle est. Donc, je ne pouvais pas... il m'a raconté son histoire. L'empathie, elle est forcément là. Donc, je me suis déplacé. J'étais à la CIMAD. C'est un organisme de Marseille qui s'appelle le Comité Intermouvement auprès des évacués. En fait, c'est une association qui est née pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les gens qui venaient de la zone occupée et qui venaient en zone libre... Il fallait bien en faire quelque chose. Et donc la CIMAD a été créée à ce moment-là pour s'occuper des gens qui venaient de la zone occupée par les Allemands. Et donc cet organisme existe toujours et il s'occupe notamment des gens qui n'ont pas de papier. Donc voilà, j'ai pris Jalil par la main et je lui ai dit, viens, on va aller voir là-bas ce qu'on peut faire. Est-ce que tu es un bon avocat? Parce qu'il y a souvent des avocats commis d'office. Ça dépasse un peu mes attributions. C'est sûr que ça prend du temps. Ça prend même peut-être un petit peu trop d'émotion. Quand j'étais jeune professeur, on me disait « Surtout, tu ne t'attaches pas ». Je pense que c'est totalement impossible. En tout cas, je ne sais pas faire ça. C'est à la fin des V, là, maintenant. Lui, il a le point. C'est la première fois, en plus. Ça fait plaisir. Il a vu. Bravo. Oui. On en rougirait presque. Hein. Il a vu. C'est bien. C'est bien. Il a vu village. Il a trouvé village. À quelle page? Dis-nous la page. 859. 859, d'accord? Oui, c'est juste, ouais. 859, oui. C'est ça. Alors, Shikugawa, il ne sera pas. Parce que c'est un dictionnaire des mots communs. Mais Japon, monsieur, Japon. Pour moi, ce sont des éponges à savoir. dans un des questionnaires que l'on fait remplir aux inscriptions, j'ai en mémoire ce qu'avait écrit un jeune. Une question, il disait, dans l'école de tes rêves, quelle matière souhaiterais-tu supprimer? Et lui, il m'a marqué la récréation. Ils sont là pour bosser, quoi, les jeunes. Et pour autant, l'enjeu, il est compliqué, parce qu'ils savent, pour la plupart, très peu parler français. Ils parlent très peu français pour certains. Puis il y avait une double difficulté, parce qu'il y a des jeunes qui ont été scolarisés quand même dans leur pays, qui ont des connaissances, par exemple, en mathématiques, qui sont basiques, je dirais, mais suffisantes pour pouvoir suivre un cursus de CAP. D'autres qui n'ont pas du tout été scolarisés. Ce sont ceux-là pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que, depuis cette année, on a mis en place un dispositif qui permet de donner à ces jeunes-là ce qu'on appelle, nous, les savoirs fondamentaux pour apprendre le français à des jeunes qui ne maîtrisent pas du tout. Tu veux lire? Allez, vas-y. Ligne 9. Ligne 9. Ouais. Je quittais... J'ai quitté cette ingrate et descendu à la cuisine. La cuisine. Alors après, c'est Nishio-san. Nishio-san fut parfait. Parfait. Elle s'agenouilla devant l'enfant. Dieu que j'étais. Et me félicitant pour mon exploit. On s'arrête là. Oui. Juste cette phrase-là. Dans ce document-là, on vous parle de quelqu'un qui s'appelle Amélie Nothomb. Nishio-san, en fait, c'est la gouvernante. La gouvernante, c'est-à-dire c'est un peu celle qui s'occupe d'elle. Elle se met à genoux pour son anniversaire. Mais pourquoi elle se met à genoux dans une petite qui a 3 ans? Elle est contente. Elle est contente, oui, mais pourquoi elle fait ça? C'est un respect. Ouais. Monsieur, pourquoi il fait ça? Parce que elle veut, la fille va être très contente. Parce qu'il a un cadeau. Elle va être contente. Donc ça veut dire qu'elle veut lui faire... Plaisir. Plaisir. D'ailleurs, ça marche. Oui. Elle dit, elle fut parfaite. Parfait. D'accord? Parce qu'elle se met à genoux. Elle dit même, devant l'enfant Dieu que j'étais. Ça veut dire que cette petite de 3 ans, elle se prend pour quoi? Elle ressemble à rien. Plus qu'une reine. Elle se prend comme un dieu. Elle se prend pour un dieu. Quand même, moi, je vais envoyer ça à la maison. Ah, tu vas envoyer à la maison? Oui. Bien sûr. Tu veux le photocopier? Oui, oui. Ah, ben si tu veux, ben, j'en ai un autre. Moi aussi, monsieur. Tiens. Voilà. Toi aussi, ton bien? Oui, merci. Allez. C'est bon? Ça va faire ça, oui. Est-ce que vous pouvez me dire les mots que vous avez appris aujourd'hui? Les mots qu'il a donné, l'enfance là. Son anniversaire, il croit que tout le monde a assisté à son anniversaire. Le professeur, il a expliqué encore, j'ai bien compris l'anniversaire et comment c'était passé. C'était pas vrai, j'ai compris le sens, j'ai bien compris quand même ça. Est-ce que vous lisez avant de venir ici et le soir même, vous essayez de réviser les textes ou pas? Le soir comme ça, à 23h, je prends mon cahier, je lis mon cahier bien. Après, je m'écoute. Parce que si tu travailles à l'école, après, tu travailles, tu gagnes ton argent, tu es bien logé, tu prépares ton avenir bien. Et c'est pour ça que vous êtes aussi sérieux? Parce que là, le cours, c'est très sérieux. C'est hein. L'habitude aussi, parce que chez nous, au bled, c'est comme ça. Ce que tu prends, il faut être... Non, c'est normal quand même. Ce que tu veux, c'est ça que tu dois faire. Si tu veux apprendre quelque chose, il faut choisir ce que tu veux. Tu as envie de travailler, tu choisis ça, tu prends ça. Si tu dis, je fais ça, tu vas faire ça. Mais est-ce que vous êtes pressé de travailler? Pressé? Oui. Ah, bien sûr. Comme moi, oui. J'ai envie de... Oui. Travailler quand même. Hein. Travailler. Vous avez fait des stages ici déjà? Moi je fais beaucoup de stages. Hein. Je fais le stage avec plomberie, avec maçonnerie, carrelage. Et ça te plaît? Quand même ça me plaît parce que c'est mon travail. Je fais un BC et je dois faire l'électricité, plomberie avec carrelage. Les primo-arrivants sont un petit peu en train de damer le pion aux autres élèves, ceux qui sont nés dans le quartier. Alors, ce qui est certain, c'est que ces primo-arrivants sont très volontaires. Ils ont une revanche à prendre sur la vie, on ne peut pas dire autrement. Donc, il n'est pas rare qu'on les envoie aussi en entreprise. Il n'est pas rare qu'un chef d'entreprise me dise « celui-là, il revient quand il veut ». Parce que lui, il travaille, il est à l'heure, il est là avant toute l'équipe. Et tout. Donc, c'est des gens qui sont très, très volontaires. Quand on a reçu des bombes, hein, quand on a perdu sa famille, son papa, sa maman, je crois que quand on arrive en classe et puis qu'on a une solution, eh ben, on est à l'heure le matin, on travaille en classe. Et la plupart, d'ailleurs, font la police pour moi, je dirais. Quand je fais un cours, je dois me retourner, évidemment, sur mon tableau, je dois faire ceci, cela. Ils sont souvent au premier rang, ils se retournent en disant « Oh, les gars, on se tait », en gros, hein, en anglais, en français ou en d'autres langues. Mais en tout cas, ça veut dire « Le prof, il parle, donc on l'écoute ». Et c'est vraiment ça, les primo-arrivants. Une petite ville. Petite ville. Aix. Alors, Aix, c'est une petite ville, mais je ne vous demande pas un nom de ville, hein, parce qu'il y a Aix, Marseille, mais c'est vrai que c'est Aix, tu as raison, c'est une petite ville. Hein. Mais région. Comment est-ce qu'on appelle toutes les petites villes? On les appelle comment? Quand c'est une toute petite ville. Une rue. Alors, une rue, c'est une partie de ce que je te demande. Ça commence comme ville, V-I. Beaucoup plus petit, on habite dans un... Village. Village. Alors, on écrit en dessous un village. Est-ce que c'est difficile d'apprendre justement à bien écrire, à apprendre les mots? Est-ce que vous trouvez ça difficile ou vous avez l'impression qu'au contraire, si on travaille, ça vient vite? Quand même, si on travaille, ça vient vite. Tu sais, moi, je n'ai pas fait l'école française parce que moi, je n'avais pas de soutenance pour étudier quand même. Mes parents ils n'ont pas accepté. Des fois, il me manque des choses. C'est ça. Français, quand même, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, si tu regardes comme ici, ce que le monsieur a donné, aujourd'hui, on a vu ça. Demain, c'est une autre leçon que tu vois. Tu vas dire que c'est difficile pour toi si tu ne connais pas. Quand même, si on t'explique, tu vas comprendre vite. Et monsieur Rech, il vous explique bien? Quand même, il explique bien quand même les leçons. Depuis on est là, il nous donne des bons cours. Si ce qu'on n'a pas compris, on lui demande, il nous explique bien. Avant de rentrer à la maison, il y a quelque chose qui est rentré quand même. Pour vous, Dominique Rech, qu'est-ce qu'une bonne journée de classe? Une bonne journée de classe. Une bonne journée de classe, c'est des élèves qui repartent heureux. On est bien sûr des enseignants, on est là pour leur savoir, pour des connaissances. Mais c'est vrai qu'un élève qui repart heureux avec le sourire et qui dit « au revoir monsieur et merci », la poignée de main, la main sur le cœur, c'est des choses qui sont assez frappantes en ce moment. Ça veut dire qu'ils ont appris quelque chose. Il y en a un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps « monsieur, j'ai bien compris, hein, Christophe Colomb, il ne savait pas qu'il allait découvrir l'Amérique, il partait en Inde, mais il ne savait pas du tout ». Et quand il est parti, voilà, au revoir monsieur, merci. Donc bah, ça, c'est une bonne journée. Un lycée pro, c'est un délicieux mélange des genres, le paradis de la mixité. Qu'est-ce que c'est le paradis de la mixité? Honnêtement, en tant que professeur dans le quartier nord de Marseille, j'ai l'impression d'être aux premières loges. J'ai l'impression d'assister à la naissance d'un nouveau monde. Et franchement, je ne boude pas mon plaisir. Je suis un petit peu vieux pour voir ce que ça va donner dans 50 ans, dans une centaine d'années. Moi, je suis très optimiste sur ce qui va se passer. Je suis très satisfait de voir la création de ce nouveau monde de mixité. Avec Dominique Rech, Philippe Hervier et tous les élèves de CAP première année, CAP terminale et terminale bac pro. Coordination Christine Bernard. C'était Mon lycée, c'est la vie. Prof du monde entier, un documentaire de Lénora Krief, réalisé par Christine Diger. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Krenlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres récits et d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain pour l'illustration du dernier péché capital. Si vous avez suivi la collection, vous savez donc de quel péché il sera question. Mais c'est une autre histoire.